Au bleu turquoise au Québec, la baie des Rochers a une plage secrète, Narcity. Si tu cherches un endroit paradisiaque au Québec ou faire une escapade loin du monde, tu devrais emprunter ce sentier de 4 km qui te mène à une plage secrète d'eau turquoise à Saint-Siméon, dans la région de Charlevoix. Sur place, tu y trouveras une magnifique plage avec de l'eau turquoise, des vues panoramiques sur le fleuve, et si tu es chanceux, tu pourras même y observer des baleines, des phoques et des oiseaux. Véronique Aubertin Facebook. Pour ce faire, il faudra te rendre au parc municipal de la Baie des Rochers et emprunter le sentier de 4 km de Hélance de Sable en direction de la descente à bateau. Deux autres sentiers sont également proposés. Le sentier de la coulée des Mâts te permettra de longer les falaises, mais si tu préfères passer du temps en forêt près des cours d'eau, il te sera préférable d'emprunter le sentier Jean Savard. Si tu as le goût de pagayer, tu peux toujours amener ton kayak ou ton paddleboard et te laisser voguer sur ces eaux cristallines. Cette plage secrète est définitivement à mettre sur ta bucket list de l'été. Parc municipal de la Baie des Rochers. Coût: gratuit. Camp: de mai à novembre. Adresse: parc municipal de la Baie des Rochers, chemin de la mer, Saint-Siméon, QC. À noter que l'écriture inclusive est utilisée pour la rédaction de nos articles. Pour en apprendre plus sur le sujet, tu peux consulter la page de HelloQLF. Avant de partir à l'aventure, consulte notre guide du voyageur responsable pour rester informé, en sécurité, intelligent et surtout, respectueux durant ton voyage.